éternellement. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui a fait de nous les enfants de Dieu. À toi la gloire, Jésus. Tu le mérites, tu es digne. Gloire et louange à toi qui vis éternellement. Oh, toi qui nous as aimés d'un amour incommensurable. Qui pouvait mourir à notre place? Qui pouvait nous racheter de la malédiction de la loi? Nous qui étions condamnés déjà, nous ne méritions rien. Seigneur, aime-toi. Tu as fait aujourd'hui que nous puissions être des enfants de Dieu. Les enfants de la lumière. Merci Jésus. À santé Jésus. Merci Jésus. À santé Jésus. Merci Jésus. À santé Jésus. Merci Jésus. À santé Jésus. Amen. Nous pouvons nous mettre. Nous sommes joyeux et c'est une grâce pour nous de nous tenir devant vous. De parler de la part de celui que nous louons et rendons grâce. Nous sommes en train de dire merci à notre papa qui nous a fait confiance pour vous apporter la parole de Dieu pendant ces programmes. C'est une grande fierté de se retrouver dans cette église, Arche. Je n'ai jamais regretté d'avoir été Archois. Je dis continuellement merci à Dieu de m'avoir établi à un bon endroit. Mon cœur est rempli de joie de voir que Dieu m'a placé près de ses serviteurs. Jour après jour, je reçois de l'aide dans cette famille. Au quotidien, je suis béni ici. Et réellement, je suis reconnaissant envers Dieu à l'égard de cette famille. Je crois que le Dieu qui m'a fait dit bien, il le fera également pour toi. Dieu nous a fait du bien ici. Et il n'est pas encore fatigué. Ces programmes ont comme objectif que Dieu nous fasse du bien. Lorsque nous lisons notre thème, ça reflète la grande vision que notre papa a pour chacun de nous ici. À tout ce que les enfants font, c'est pour que ça puisse réussir. Voyez-vous, la vision qu'il y a dans cette église, c'est une vision qui est même sur toi. C'est que toi qui es ici, tu réussis dans ta vie. Partout où Dieu t'a établi, que tu réussis. Si c'est aux études, que tu réussis. Au travail, que tu puisses réussir. Sanitairement, que tu réussisses. Dans les combats, que tu sois victorieux. Sois victorieux aujourd'hui, demain et pour toujours. La réussite est notre lot. Dans Psaume chapitre 1er, il y a deux parties dedans. La première partie, c'est la partie des méchants, le groupe des méchants. Les méchants n'ont pas l'espoir de la réussite. Car ils ont mal choisi. Ils se mettent au milieu des moqueurs. Ils n'ont personne pour les orienter comme c'est les capotois. Ils sont semés à un endroit désert. Ils sont comme des feuilles que le vent emporte ça et là. Ils n'ont pas de position. Ils n'ont pas de l'espérance. Et la parole de Dieu continue à dire. Lorsque la justice vient, ils ne vont pas résister à cette justice. Quand le jugement arrive, ils ne s'y porteront point. Mais de l'autre côté, il y a un groupe d'enfants de Dieu. Et Psaume dit : Heureux celui. Et le révérend nous a parlé de cet homme heureux. L'homme heureux qui espère à la victoire, qui reçoit des bons conseils, qui le met à la droiture, parce que la bénédiction dépend de la voie. Il y a une voie de bénédiction, il y a la voie de bénédiction. Dieu t'a dit choisis le chemin de bénédiction, car devant toi il y a également le chemin de tu as besoin de conseiller. Raison pour laquelle la parole de Dieu est notre conseiller. Il dit cet homme médite la loi le jour et la nuit. Cela veut dire cet homme a comme source d'inspiration la parole de Dieu. Cet homme reçoit les conseils venant de Dieu. Cette personne est connectée au Saint-Esprit. Cette personne est à la source. Ses racines reçoivent l'eau. Tout ce qui se passe à l'extérieur n'est pas son problème. Parce que même pendant la sécheresse, lui n'a pas de souci. Ses racines pénètrent jusque dans l'eau. Il est rafraîchi à chaque instant. Son cœur est ranimé à l'instant. En lui, il n'y a pas de sécheresse. Dans d'autres, il y a le sec. Mais en lui, il y a de l'eau en permanence. Raison pour laquelle ses feuilles ne flétrit point. Raison pour laquelle ses feuilles ne flétrit point. Ses racines pénètrent en bas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Enfant de Dieu, tu es candidat à la réussite. C'est pourquoi nous sommes assis. Nous, enfants de Dieu. Afin que nous comprenions pourquoi hier nous avions échoué. Nous devons savoir pourquoi hier nous avons échoué. Demandons-nous, notre échec avait une cause. Il s'est peut qu'on n'était pas sur un bon chemin. Il se peut qu'on était avec des voyous. Dans notre environnement, il se peut qu'il n'y avait pas de bons conseils. Nous voyons le serviteur de Dieu Saül. Devant sa destinée, il était découragé. Il voulait rétrograder parce qu'il n'avait pas d'espoir. Dans son environnement, il y avait une bonne personne, un homme béni. Et le pasteur Adassa nous a dit, prions pour notre entourage. C'est difficile que tu sois en problème et que tu n'aies aucune personne, aucune bonne personne pour toi. C'est difficile que tu sois malade sans avoir un homme confiant. C'est difficile que tu sois terrorisé par les démons sans que tu n'aies personne pour te soutenir. C'est malheureux d'être en problème sans avoir quelqu'un pour t'aider. Les gens qui t'entourent, c'est possible qu'ils ont été envoyés par les diables. D'où sont venus les gens qui sont aux alentours de toi? Ces gens qui t'entourent, d'où sont-ils venus? Tu peux être mal entouré. Ça te rend à une position de ta destruction. C'est à ton malheur. Le serviteur conseilla à Saül là où sa force était épuisée, là où il était prêt à reculer. Il a réussi quelqu'un qui lui dit: va en avant. Victoire, il y a la victoire devant. Ce sont ceux qui persévèrent qui arrivent à la victoire. La persévérance nécessite l'énergie spirituelle. Faire face à le défi, énergie. Pour que tu affrontes ton défi, il te faut une autre énergie. Là où tu disais: maintenant je suis désemparé, il faut qu'il y ait une autre force qui t'amène à avancer. Cette force vient de Dieu. Même si c'est un homme qui est là, il est simplement l'instrument que Dieu utilise. Il est serviteur de Dieu. Dieu œuvre en lui. Et Saül est entré dans sa royauté parce qu'il y avait une bonne personne près de lui. Bien aimé, il y a des bonnes personnes que Dieu peut nous envoyer. Pourquoi nous ne pouvons-nous pas prier Dieu lui demandant à élever des bonnes personnes autour de nous? Si les bonnes personnes s'élèvent, c'est pour notre bien-être. Si une bonne personne ici est élevée, c'est pour notre bien-être. S'il y a un enfant que Dieu élève comme Joseph, c'est pour notre bien-être. Pendant les moments des problèmes, nous allons faire recours auprès de lui. Pourquoi se fait-il que dans une famille il manque même une seule personne élevée? Prie pour que dans ta famille il y ait un héros. Dieu travaille avec un homme, une seule personne. Il te faut une personne dans ton environnement. Demande-toi qui sont les gens qui t'entourent. Et l'homme de Dieu est entré dans sa destinée. Nous sommes appelés à réussir. Nous sommes des gens qui doivent accepter l'évaluation. Quelquefois, tu dois te mettre et faire l'introspection de toi-même. J'aime beaucoup Jésus. À un moment, il demanda: que disent les gens à mon sujet? Que pensent les gens à mon sujet? Un enfant de Dieu est mieux que lorsqu'il développe la capacité d'écoute. Écoute même tes ennemis. Écoute même ceux qui te haïssent. Écoute ceux qui t'aiment. Et écoute ceux qui te détestent. Écoute également les amis. Et là, tu tireras une bonne conclusion. Nous devons réfléchir. Pourquoi nous devons demeurer dans les échecs? Nous avons compris qu'il y a des principes pour réussir. L'échec n'est pas la fin du monde. Si nous tirons des bonnes leçons dans nos échecs du moment, nous allons tirer une bonne leçon qui nous boostera dans la réussite. Toi qui as commencé à échouer, je ne sais pas dans quel domaine, ne conclue point, ne sois pas désemparé, ne dis pas que c'est la fin pour moi. Aujourd'hui, oui, tu as échoué, il y a une cause pour ça. Cherche la cause de ton échec. Lorsque l'âne de Balaam a refusé de marcher, Balaam a commencé à user de sa force. Il a giflé l'âne. L'âne résistant de bouger. Quel a été le problème? Il gifla encore. Il gifla également. La force a la fin. Il peut y arriver que la force arrive à sa fin. Ne comptons pas sur notre force physique seulement. Il nous faut également la force spirituelle. Dieu parla au travers l'âne. L'âne a refusé de marcher parce qu'il y avait une cause. Lorsque l'âne a parlé, il montra que il y a l'épée qui va te décapiter. Si je pouvais seulement avancer un peu, tu devrais mourir. C'est là que les yeux de Balaam s'est ouvert. Il vit l'ange. L'ange lui dit, seulement cet âne, il n'y a que cet âne qui a fait que je te sauve. Je devrais te tuer. J'allais te tuer. Mais cet homme de Dieu, il usait de sa force pour avancer. Alors qu'il y avait la mort là. Parce qu'il n'a pas eu le temps de réfléchir. Pourquoi ton âne refuse aujourd'hui? L'âne lui a dit, n'est-ce pas, je te porte chaque jour. Et même lorsque tu as des malaises, cela veut dire qu'il y a un problème. Il te fait connaître pourquoi ces douleurs viennent. Ne forcez pas par la force physique. Ne forçons pas les choses. L'homme sage, quand ça refuse, c'est le moment d'utiliser ton entourage. N'y a-t-il pas un sage dans ton entourage? C'est le temps de consulter les hommes de Dieu. Le temps de consulter les sages. Le temps de consulter ceux qui t'ont précédé dans le ministère. Pourquoi ces commerces me refusent? Pourquoi ce que j'entreprends ne marche pas? Mes études bloquent. Pose la question aux alentours et cherche la vraie cause. La cause peut être toi-même. La plupart des fois, nous sommes la cause de notre obstacle. L'âne n'avait pas de problème dans le pied. L'âne avait des problèmes d'avancer parce que celui qui portait avait des problèmes. Le navire de Jonas ne savait pas avancer parce qu'il y avait quelqu'un dedans. Tu peux être dans un bon domaine, mais si toi-même tu es une mauvaise personne, tu ne respectes pas le principe, tu attires la malédiction là où il y a la bénédiction. Là où tout le monde réussit, toi tu vas échouer. C'est le moment de se mettre. Laisse tout. Parce que c'est pas la fin. C'est le bon moment. Il y a un blanc qui prêche à Kinshasa. Il disait le problème de nous, Afrique. Surtout au Congo. Nous n'utilisons pas notre réflexion. Nous n'utilisons pas notre tête. Nous utilisons les sentiments. Nous nous fions aux émotions. Nous nous fions aux choses superficielles. Le temps de se mettre et de réfléchir. De méditer profondément tel que psaume 1 le dit. Tu entres à fond de la parole de Dieu. Dieu te révélera là où est le nœud de ton problème. Dans les promesses de Dieu, dans le livre de Jérémie, la Bible dit, appelez-moi, invoquez-moi, je te montrerai des choses mystérieuses. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Ce sont des choses attachées à notre réussite, mais nous demeurons dans l'ignorance. Dans Apocalypse 3, verset 17 à 19. Le 17e et 19e verset. L'église de Laodicée parmi magonjo yake. L'église de Laodicée avait une maladie. Il quoi ignorance. Sa maladie était l'ignorance. Ignorance il kanda na l'église. L'ignorance demeurait dans cette église. Watoto wa Mungu tukiwa katika ignorance mu domaine yoyote ile. Enfant de Dieu, si tu es dans l'ignorance, peu importe les domaines. Utashindwa kuelewa byenye biko byenye ulipashwa kuelewa. Si tu ne maîtrises pas les systèmes que tu devrais suivre. Ndani ya domaine yako. dans ton domaine, là où tu as ignoré, c'est là que le diable va se mettre pour bloquer les modes de fonctionnement. C'est pourquoi Jésus est venu dans cette église. Il commença à dénicher les problèmes. Richesse, ils avaient la richesse, oui. Les richesses n'étaient pas véritables. Il leur a proposé la vraie richesse. Le vêtement qu'ils avaient n'était pas des bons vêtements. Il leur a proposé les bons vêtements pour chasser leur nudité. Il leur a proposé de l'huile sur les yeux. Leur disant, vous allez commencer à voir. Lorsque tu commences à voir spirituellement, la grande partie de nos problèmes, c'est dans le spirituel. Positivement et négativement. Tu peux connaître où provient les problèmes et tu vas bien s'en occuper. Tu peux bien appeler la solution pour combattre les problèmes. Et Jésus s'est levé pour soutenir et aider cette église, comme c'est le cas maintenant pour nous aider. Nombreux parmi nous nous réjouissons des superficiels. Dans cette église, il y avait une satisfaction éphémère. Une satisfaction éphémère. Une satisfaction. Quelqu'un pouvait aller loin. Seul était appelé à la royauté. Mais il est à la recherche des ânes. Toute son intelligence était focalisée sur les ânes. Alors que Dieu a une grande destinée pour lui. Nombreux, nous nous focalisons sur le superficiel. Nous pensons avoir arrivé. Alors que si nous pouvions ouvrir les yeux, nous allions voir beaucoup plus de nous. Nous avons besoin d'un Samuel aux alentours de nous. Nous avons besoin des prophètes près de nous. Et il y a un prophète dans cette église. La parole de Dieu est ici également. Pour t'aider à voir là où les yeux physiques sont limités. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur, s'il te plaît. Dis à quelqu'un, moi je réussirai. Dis-lui, moi je réussirai. Je t'assure, moi, je n'ai pas la raison d'échouer. Après 36 jours de jeûne de prière, moi là, je vais réussir. Sois prêt à écouter. Comme Balaam devrait écouter. Écoute également. Développe ta capacité d'audition. Sois comme Barthélemy. Il a perdu les yeux, la vue, mais il n'a pas perdu la capacité d'écouter. Ne perdons pas l'oreille. L'oreille nous redonnera les yeux. Ce que tu écoutes te donnera ce que tu as perdu. Je t'annonce que tu as perdu, tu vas les retrouver. On a dit à Saül, les années sont trouvées. Je t'annonce que ce qui te dérange dans le cœur est retrouvé. Au-delà de ce qui te tourmente, regarde la grandeur que Dieu te propose. Regarde ce que Dieu te prépare. Tu n'as même pas l'idée du plan merveilleux de Dieu à ton sujet. Ce que Dieu prépare pour toi est tellement grand. C'est vraiment gigantesque. Tu n'en as pas l'idée. Tu dois continuer à prier afin que Dieu te révèle et que tu comprennes la grandeur de ta richesse attachée à toi. Tu vas cesser à te tourmenter à cause des superflus. Pourquoi tourmenter nos vies à cause de ce qu'on a manqué? Au lieu que nous soyons focalisés vers la vision de Dieu à notre sujet. Alors, hier, qu'est-ce qu'on a dit? Kuna kufaulu ambayo sio nzuri. Il y a une mauvaise réussite. Tukaona kufaulu sio nzuri. Nous avons parlé d'une mauvaise réussite. Ni ile ambayo mtu anaporéussir. C'est lorsque quelqu'un réussit. Ana réussir pour lui-même. Il réussit pour soi. Na ndani ya ile réussite. Dans cette réussite. Hamuna ni pare ya Mungu ni pare ya mwenzake. Il n'y a pas la part de Dieu ni la part du voisin. Hii si réussite. Ça c'est pas la réussite. Tunaweza kuona tena katika hii monde. Dans ce monde, kuna filosofia mingi. Il y a beaucoup de philosophies ambazo ziko zinapeleka watu qui conduisent les gens. Watu wafanye yote kwa ajili ya kujitosheleza wao wenyewe. Que les gens travaillent dur pour leur propre satisfaction. Kwa ajili ya kujiservir wao wenyewe. Pour l'autosatisfaction. Kwa ajili ya kujifurahisha wao wenyewe. Pour se plaire. Lakini tukaona hii yote sio nzuri. Nous avons vu comment tout ça est vanité. Tukaona exemple ya Moïse. Nous avions parlé de Moïse. Ambali pata résultat kubwa ndani ya kazi yake. Il a réussi un grand résultat. Watu wakakunywa maji. Les gens ont bu. Lakini alikuwa amevunja kanuni ya Mungu. Mais il venait de détruire les principes de Dieu. Na Mungu akastoppe ministère yake. Et Dieu metta fin à son ministère. Tukasema tufanye angalisho. Et on a dit faisons attention. Jana tukaona neno lingine. Hier nous avons également dit tukaona yule mtu amepata mshahara. Cet homme a reçu le salaire. Lakini hana capacité ya kufurahia mshahara wake. Mais il n'était pas satisfait de son salaire. Sababu macho yake anaangalia yale waliokuja nyuma yake walipata. Parce que ses yeux se focalisent sur ceux qui sont venus après lui. Ndani ya mafikiri yake hawakustahili kupata. Dans sa tête, d'autres qui sont venus après ne méritaient pas. Na hii nayo tukaona sio nzuri. Et ça, c'était pas également bon. Bien, mais sasa leo tunataka tuongelee hatua karibu mbili au tatu tu. Aujourd'hui nous parlons de deux ou trois points. Katika réussite ambayo iko nzuri kulingana na Mungu. Des points qui concernent la bonne réussite. Katika réussite nzuri ambayo tunaweza kupata. La bonne réussite ya kwanza ni katika ile hali ya ile hali ya kutumikiana. La bonne réussite c'est lorsque nous sommes disposés à servir les autres. Tunapotafuta ile réussite ni ile natupa capacité ya kuservir. La réussite c'est lorsque nous servons d'autres personnes. Tunapokea capacité ya kuservir Mungu na kuservir watu. Lorsque nous avons la capacité de servir Dieu et de servir les hommes. Sababu tukaona Yesu akaongea ndani ya Matthieu chapitre 20. Dans Matthieu chapitre 20, verset 28. Le 28e verset. Mission yake hapa kudunia. Jésus résumant sa mission sur terre. Kwa maneno mbili tu. Par deux paroles. Nilikuya kuservir. Je suis venu servir. Nilikuya kutoa. Je suis venu offrir. Yesu Kristo ukamuelewa katika maneno mbili umemaliza mission yake yote ya kudunia. Lorsque tu comprends ces deux éléments, tu finis toute Yesu la mission. Yesu Kristo alikuja hapa kama véritable serviteur. Jésus est venu comme un bon serviteur. Alikuja hapa kama serviteur wa baba yake. Il est venu comme serviteur du Père. Ukasoma Esaïe chapitre 52. Dans Esaïe 52. Verset 13. Le 13e verset. Tunaweza kusoma pale. J'aimerais que nous puissions lire ces passages. Ces passages montrent Jésus-Christ en tant que serviteur. Esaïe 52. Même Esaïe 53 parle également de Jésus. Esaïe chapitre 52, le verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera. Bien haut, amen. Verset 14. Okay. De même qu'il a été pour plusieurs au sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différé de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront celui qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu, parole du Seigneur. Lorsque nous portons l'esprit du service, comme l'esprit que Jésus portait, du servir Dieu, servir, watu, servir les hommes. Prospérité, ikombele yetu. La prospérité est devant wakati nous. Unajiinscrire ndani ya roho ya kuservir. Lorsque tu t'investis dans le service, unatoka mwa ile esprit ya kujiservir iko ndani ya monde. Tu abandonnes l'esprit ya kujiservir. De se servir, de travailler pour soi. Unatoka mwa ile esprit ya egoïsme iko ndani ya monde. Tu quittes l'esprit d'égoïsme. Unaingia unakuwa candidat ku réussite ambao Mungu yeye peke atakuaccompagner. Tu t'investis dans la réussite dans laquelle Dieu va t'accompagner. Tukaona jana exemple ya serviteur wa Abraham. Hier nous avons parlé du serviteur d'Abraham. Namna gani aliassocier Mungu alivala hii esprit ya service. Comment il a porté l'esprit de service et associé Dieu? Alikuwa na mission kubwa ya kupata bibi ya Isaac. Il avait la mission de trouver une Mungu femme pour akamupa réussite. Dieu lui a donné la réussite. Mungu atatupa réussite wakati tunavala hii esprit ya kuservir. Dieu nous accordera la réussite lorsque nous porterons l'esprit du service. Pourquoi tunalia magumu ndani ya nchi? Pourquoi nous pleurons? Sababu walio inuka katika mamlaka. Parce que les gens qui ont été élevés en dignité, hawakuinuka na roho ya kuservir. Ils n'ont pas été élevés avec un esprit de servir. Walinuka na roho ya kujiservir. Ils ont été élevés avec un esprit d'égoïsme. Pourquoi entreprises zinakufa? Pourquoi beaucoup d'entreprises meurent? Pourquoi makanisa zinakufa? Pourquoi les églises sont détruites? Wakati wale walio inuka. C'est lorsque ceux qui sont élevés wako na roho ya kujiservir. Ont l'esprit de travailler pour soi. Wakati baba wa jamaa. Lorsque le père de la maison anaangalia tu kujiservir yeye, ne se voit que lui même, kujifurahisha yeye, se satisfaire, kujipendeza yeye, se plaire. Hakika we mama na watoto yako mtalia, maman et les enfants vous allez souffrir. Sababu salaire alipata, le salaire qu'il a réussi, atafikiria kwanza plaisir zake, il pensera d'abord à ses faire bien. Inashindia Minerval ya watoto, au-delà a priori avant même le Minerval des enfants, inashindia ratio ya mama. Avant la ration de la famille. Papa ira au restaurant, il bouffe $20. 3000 francs doit aller. Mais il dépose 3000 francs congolais à la maison. Kunyumba. Et lorsqu'il arrive à la maison, anakuwa mugonjwa. Il devient malade. Madame, leo si kushinda bien. Je ne bongo, suis pas bien. Alikula friti mingi sana. J'ai pas d'appétit. Samaki, il a steak. Beaucoup mangé. Kula mingi sana. Ngulu. Basha choma vya kuchoma, asha kunywa vya kukunywa, kufika kunyumba. Anakuambia madame, siku vrema apetiri kimbia, bongo yake, bongo. Il vient état bien blindé dans son ventre et puis il commence à mentir. Non, c'est un menteur. Baba mubaya. C'est un mauvais papa. Kinshasa tukaona. À qui nous avons vu des choses? Utaona kanisa iko ndani ya bash. Une église est dans de bash. Lakini unaona pasteur iko natembelea gari ya $60,000. Mais un pasteur qui roule carrosse de $60,000. Bibi natembelea gari ya $30,000. Sa femme dans un véhicule de $30,000. Lakini kanisa inapanga. Mais l'église est locataire. Na wanatia huku ma rideau. Wakinao wanapanga rideau huku wanazungusha pia. Et puis c'est entouré juste des rideaux, un hangar de rideaux. Ça, c'est l'esprit d'égoïsme. Dis à ton voisin, à l'arche, nous sommes serviteurs, nous ne travaillons pas pour soi. On ne travaille pas pour notre propre intérêt simplement. Je ne suis pas ici à la chair pour travailler pour moi-même. Je vais réussir que lorsque je vais mieux vous servir. Vous n'avez pas besoin de savoir les standards de vie de ma famille. Que j'ai mangé ou pas, ce n'est pas votre problème. Ton problème, c'est que on a mis le pasteur là et qu'il te prêche, que tu sois béni. Roya service. L'esprit de service. C'est cet esprit qui nous amène à réussir selon Dieu. Ça nous amène à réussir selon Esaïe. Alors, dans Matthieu chapitre 20, 24. Dans Matthieu chapitre 20, le 24e verset. Seigneur Jésus a planté le kitundani ya batumishi yake. Jésus semence cette semence dans ses disciples. Akatia hii mafundisho ndani ya disciples yake. Il plaça cette semence dans ses disciples. Na kuwaonesha kwamba bakuwe na roho ya kuservir. En leur disant qu'ils doivent avoir un esprit de service. Ndio ile roho David alikuwa nayo kuservir makondolo ya baba yake. C'est l'esprit que David avait car il servait le les bêtes ou le brebis de son père. Katika ile kuservir ile kondoza baba yake ndio ilimfanya candidat ya kuservir nation. C'est le service qu'il faisait à l'égard de ses brebis qui l'a conduit jusqu'à servir la nation. Dada, uko unaeshuwe wakati unashindwa kusukula sahani za kwenu. Ma sœur, si tu n'arrives pas à bien arranger les assiettes de chez toi, hata unavala mèche. Même si tu portes les mèches, lorsque nous les sages nous te voyons, et que je vois même tes parents, je vais dire cette sœur a échoué. Et lorsque mon fils Israël dit que je vais marier cette fille, je vais dire ne marie pas celle-là. Elle n'a pas de propriété à la maison. Elle laisse du sombe jusqu'au point de sécher. Mon fils, ne marions pas dans cette famille. Nous avons le droit de vigiler où est-ce que nous voulons doter. Je dois me rassurer du territoire où je vais investir mes chèvres. Je ne dois pas les donner n'importe où. Je dois me rassurer que la femme de mon enfant arrangera bien la bouffe, qu'il ne fasse pas maigrir mon fils. Il est l'esprit à service. Ça, c'est l'esprit de service. Beaucoup nous échouons juste à ce premier point. Juste chez toi à la maison. Tu ne sais pas torchonner. Et puis tu demandes beaucoup de choses à Dieu. Ah, les affaires de Dieu ne marchent pas comme ça. Les affaires de Dieu commencent à Jérusalem. Dis à ton ami, réussis d'abord à Jérusalem. Nous commençons à Jérusalem. Auprès des ânes du Père. Nous nous exerçons sur les ânes du papa. C'est là que les exercices commencent. Et au ciel, Dieu, il dit, la personne qui mérite le trône, c'est celui-ci. Il garde bien les troupeaux. Ses grands frères sont venus avec des poitrines bombées. Nous sommes des grands frères. Petit, passe. On envoie comme pas possible l'enfant. Mungu mbinguni anasema na hivi kuna tuma tu na hautapata tena wa kutuma wewe na wewe utakuwa mtumwa. Amen. Amen. Amen. Usitike kukua kisheta. N'accepte pas d'être estropié. Mikono yako ifanye kazi. Il faut que tes mains travaillent. Ambia mikono yangu fanya kazi. Dis à tes mains, mes mains, tu dois travailler. Hautakuwa chômeur, utafanya kazi. Tu vas pas chômer, tu vas travailler. Un enfant qui bosse, même si tu pars loin de tes parents, tu vas grandir. Même si tu vas étudier loin, on va t'accueillir. Là où on te reçoit, lorsque les enfants de la maison boudent à travailler, toi tu te mets. Le révérend Eston nous a parlé de son histoire. Il a quitté Butembo pour Kiwanja. On l'a reçu dans une famille à Kiwanja. Lorsqu'on a vu qu'il était facilement, après quelques jours, on pouvait l'envoyer facilement. Baba wa nyumba akamupa clé ya chambre yake. Après quelques jours, le père de la maison lui a confié une chambre. Na batoto yake biko mule. Biko tu pale ba grosse tête tu kupita pita tu mulupango. Eh bugali haya hivya. Hein? Di mulinima. Bali kuima wewe ulifanya ni hapa. Les enfants de la maison étaient là juste pour frimer avec des grosses têtes macrocéphales. Shangilia di, shangilia, haiko wewe ndio tuko nasema, haiko wewe. Haiko wewe, haiko wewe, haiko wewe. Il ne s'agit pas de toi. Haiko arshwa. Wewe unapaswa kamata engagement depuis leo. Tu dois bien t'engager à partir d'aujourd'hui. Kwanza kuservir. Commencer à servir. Jo message niko ndani ya Matthieu chapitre 20 24 28. C'est le message qu'il y a dans Matthieu chapitre 20 24 à 28. Mama ya Jacques na mama ya Jean. La mère de Jean et Jacques akakuya kumwambia Yesu. Est venue dire à Jésus. Ça utakuwa mu royaume yako. Quand tu seras dans ton royaume, que l'un de mes fils soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Et Jésus dit, mais c'est terrible ce que tu demandes. Est-ce que tes enfants sauront supporter la voie qui va les conduire à cette position? Est-il prêt à boire la coupe que moi je vais boire? Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de trône sans autel. Il n'y a pas de couronne sans autel. Il n'y a pas du succès sans sacrifice. Tu dois te sacrifier pour ce que tu cherches. Jésus les a ramenés au droit chemin. Nombreux de nous, nous demandons des choses alors que nous ne sommes pas capables d'assimiler le voie, le principe à suivre. Dans le royaume de Dieu, le grand secret, c'est de travailler. Et Jésus leur donne l'exemple. Le roi du monde règne. Mais vous, celui qui veut régner, qu'il soit serviteur des autres. Celui qui veut être grand sur les autres, qu'il serve les autres. Veux-tu régner dans ton auditoire? Sois capable de servir tous les étudiants. Cherche à savoir le besoin auquel tu vas répondre. Veux-tu influencer dans la chorale? Cherche à résoudre un problème dans la chorale. Et non pas que la chorale te sert, toi. Et c'est tout ce qu'il y a comme secret. Si nous comprenons ceci, tous nous serons candidats à la réussite selon Jésus. Alors, dans Jean chapitre 13, 14 à 16. Dans Jean chapitre 13, les versets 14 à 16. Après qu'il fudisha, après qu'il ait enseigné, il est amenant à la pratique de la leçon. 14 et 16. Jean chapitre 13, le verset 14 à 16. Si donc je vous ai lavé le pied, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver le pied les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé, parole du Seigneur. Après que Jésus ait enseigné, il envoya le disciple préparer la Pâque. Lorsqu'ils sont arrivés, ils préparaient la Pâque. Ils sont venus tous. Les disciples se sont mis comme des patrons. Chacun s'est mis et attendre que l'on amène le repas de Pâques. La Sainte Cène, la Sainte Cène n'est pas ce que nous faisons ici. À la Sainte Cène, Jésus a sérieusement mangé. Dans la culture juive, tu ne peux pas manger sans pour autant te laver le pied. Tu ne peux pas manger sans que tes pieds ne soient propres. Quelqu'un a-t-il une inspiration de cette phrase? Tous se sont mis. Et personne n'a eu l'initiative de laver les autres pour qu'ils commencent à manger. Alors qu'ils étaient déjà enseignés, que celui qui veut être grand, qu'il soit capable de servir les autres. Lorsque tous bondissaient, Jésus dit, je vais faire la chose. Jésus ôta ses vêtements. Il prit une bassine. C'était un vase, je crois. C'est le révérend qui est déjà arrivé là. Jésus enlevant. Jésus enlevant sa part dessus. Si tu appelais être mécanicien, ne va pas chercher le boulot en veste. Tu ne trouveras pas de travail. Wengi wanaenda atafuta kazi anakuya aisha vala paka bosa anasema huyu ndakuwa naweza anaanza kumlipa huyu. Nombreux partent chercher le travail très smart jusqu'au point où le boss est intimidé. Dada mwaka aniambia. Une sœur m'a dit hapa tumwe kanisa. Dans cette église. Bali niita nilikuwa vraiment na besoin ile kazi hata ya 50 dollars. On m'a appelé et j'avais besoin de ce travail même pour 50 dollars. Lorsque la maman m'a dit ouais, basi wewe unaweza tumikia mtu wewe. Elle dit mais toi tu peux travailler pour quelqu'un. Il y a d'autres apparences qui nous font souffrir pour rien. Tu as faim. Tu n'as même pas l'argent des motos et tu es toujours en veste. Regarde le prix de ta veste. Na mwenyange sema kupatia hata 10 dollars umugomea anasema eh bwana huyu sana shiba huyu. Même celui qui pouvait te faire 10 dollars pour le civet pour lui il dira non non ça c'est un boss. Yesu akafanya nini akatosha. Jésus enleva. Sema Yesu akatosha. Jésus enleva le pardessus. Enlève ton pardessus. Cher tu j'y dépouiller. Tu dois te dépouiller. Pourquoi tu vingi cher tu j'y dépouiller. Cher tu dépouiller orgueil. Dépouille ton orgueil. Tu me vala orgueil comme côte. Nous portons l'orgueil comme manteau. Hapa kuko watu mwa wanasemaka sema ah kwetu akutoke boy. Aona gizi sana fanana. Mwenyeko nasema. Aona gizi anafanana. Mobola teti. Ici il y a des gens qui disent chez nous il y a point de domestique mais regarde maintenant sa vie misérable. Bien-aimé secret qu'on donne à service. Le secret de la réussite est dans le service. Mungu anaweza kupima tu uspane service. Na utapanda. Bien-aimé, Yesu akatosha. Jésus enlevant son pantalon et lava leurs pieds. Ndipo aliwaambia haya maneno. Et il leur dit ces paroles. Munaniona mie Bwana ninafanya. Vous me voyez comment moi je fais? Na apôtre haiko mkubwa kushinda mwenye alimtuma. L'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Balisikia. Ils ont entendu. Lakini mpratique balikuwa bloqué. Mais dans la pratique, ils étaient bloqués. Tumuombe Mungu. Prions le Seigneur. Yale tunasikia. Ce que nous écoutons. Yana nguvu ni wakati tunapratike. Ça le pouvoir que lorsque nous pratiquons. Enseignement. Quel que soit la profondeur isikia, des enseignements. Hatuta ipratike. Si on ne pratique pas, hatuta ishi. Nous n'allons pas vivre. Yesu alikuwa amefundisha. Jésus enseignait. Mais hata mtu moya. Mais personne disciples, parmi les disciples n'a pratiqué cela. Donc, secret de la réussite est condamné à service. Le premier secret de la réussite, c'est le capacité service. Notre capacité de servir Dieu. Capacité servir notre capacité de servir les autres. Aujourd'hui, je réfléchissais sur le soleil. Quand je marchais le matin, je méditais sur le soleil. Je rendis grâce à Dieu pour le soleil. Le soleil a servi mes arrière-grands-parents. Soleil me sert aujourd'hui. Et le soleil va servir mes enfants. Et il restera toujours glorieux. Il va demeurer en train de briller. Et Dieu le glorifie. Il dit, n'est-ce pas, j'apporte mon soleil aux bonnes et aux mauvaises personnes. Soyons capables de rendre service. Et les gens qui évoluent sont ceux-là qui découvrent où est le besoin. Et ils apportent le besoin. Ils servent pour les gens qui nous ont donné le téléphone, ils mangent paisiblement notre argent. Ils ont découvert que nous avions le besoin de communiquer. La deuxième clé qui nous permet de réussir en Dieu, c'est d'être fidèle. Dieu nous invite à la fidélité. Matthieu chapitre 25, verset 24. Matthieu chapitre 25, le 24e verset. Wakati Seigneur Jésus-Christ alikuwa na pana. Alikuwa na pana récompense. Lorsque Jésus récompensait, alikuwa na batumishi tatu. Il avait trois serviteurs. Batumishi mbili tu ndio balipata récompense. Il n'y a que deux serviteurs qui ont eu la récompense. Na walipata juu ya fidélité yao katika namna ya service yao. Ils l'ont reçu à cause de leur fidélité dans le service. Matthieu 25:21. Son maître lui dit. Bwana wake akamwambia. C'est bien bon et fidèle serviteur. Vous soulignez pas le mot Bible yako fidèle serviteur. Ni vizuri mtumishi mzuri na mwaminifu. Wakati tuko tunaomba Mungu sasa. Lorsque nous prions maintenant. Umwambie Mungu ni kwe parmi aba ba fidèle serviteur yako mwa generation yako. Dieu a Dieu fait de moi l'un de tes fidèles et bons serviteurs dans cette génération. Haitoshe tu kutumika. Il ne suffit pas de travailler. Mais il faut travailler avec fidélité. Et ça, ça fait partie des caractères rares dans notre génération actuelle. Être fidèle à son poste. Être fidèle à sa mission. Être fidèle à celui qui t'a confié la responsabilité. Nous avons perdu cette capacité qui nous booste dans notre réussite. Disons à Dieu, demandons à Dieu de nous aider. Que nous soyons fidèles. Tout serviteur qui travaille dans la fidélité, il arrive à être récompensé. Il y a un serviteur qui avait 5, on l'a doublé. Ils avaient la mission de fructifier les talents. Il a fallu qu'ils travaillent dans la fidélité. Église, nous avons besoin de la fidélité en nous. Si on te confie une responsabilité, fais-le. On te donne un travail à faire, fais-le avec fidélité. Un serviteur de Dieu dit, un homme fidèle, il fait au-delà de ce qu'on lui a demandé. Un homme qui n'est pas fidèle, il se limite à ce qui lui a été demandé. La fidélité peut nous amener à exceller au-delà des limites tracées. Et Dieu compte beaucoup sur la fidélité dans son royaume. Peu importe le résultat de tes actions. Hier nous avions parlé de Moïse. Les gens ont bu. Parole de Dieu. Mais il n'était pas fidèle à la parole de Mungu Dieu. Dieu a dit, ce résultat n'est pas une réussite, c'est un échec. Bien-aimé, nous sommes appelés à devenir fidèles. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens, le quatrième verset. 4e chapitre. Nous voulons parler du troisième point. De la réussite selon Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Que la moja patikane kwa mwaminifu. Ambia mwenzako, cheke, kila mtu anapaswa kuwa mwaminifu. Chacun doit être fidèle. Tu dois être fidèle. Fidèle à son poste. Fidèle à sa vocation. Fidèle à la mission qui t'a été confiée. Ne va pas là où Dieu ne t'a pas établi. Fais ce que Dieu t'a recommandé. Ça nous amènera à réussir. Bien aimé, tu n'as pas à toi et à tatou. La troisième chose, le troisième point de la réussite selon Dieu, c'est notre obéissance. Notre obéissance à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Dans Psaume chapitre 1, on nous montre le secret de la réussite de cette personne. C'était dans la méditation de la parole de Dieu. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Josué chapitre 1 verset 7. Yoshua sura yake ya kwanza mstari wa 7. Josué chapitre 1 verset 7. Yoshua sura ya kwanza mstari wa 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Chers titoués, écoutez, neno la Mungu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Moïse, Mungu ali mwambia, Dieu a parlé. Uta sema na lijiwe. Dieu a dit à Moïse, tu parleras au rocher, mais lui a frappé. Nous avons intérêt à connaître et à vivre la parole de Dieu. Et pour clore, nous devons avoir une bonne vision. Nous devons avoir également une bonne attitude. Notre attitude détermine notre réussite. Tout à somme dans le kitabu ya Nombre chapitre 11 verset 28 à 29. Nous allons lire dans Nombre chapitre 11 rapidement ça va tout n'ta maliser quoi point. Nombre chapitre 11 verset 28 à 29. Et Josué fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse le peuple de l'Éternel être composé des prophètes et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Amen. » Bien-aimé, yale tuna yoona, namna tuna vyoona. La manière dont nous voyons, namna tuna vyoona, atitide yetu. Notre attitude a joué dans la réussite et a une influence sur notre réussite. Une mauvaise attitude, la négativité, une attitude négative va sombrer notre réussite. On est venu dire à Moïse, deux personnes prophétisent en dehors du camp. Moïse a meombea watu makumi saba wako wanatoa unabii. Moïse a prié pour 70 personnes qui prophétisaient. Na katikati ya hii kundi ya mkukua watu mbili. Parmi ces groupes, il manquait deux. Hawa walibaki kunyumba. Ils sont restés à la maison. Bakaanza kuprophétiser. Ils commencèrent à prophétiser à la maison. Josué akamwambia Moïse. Josué vient dire à Moïse, kataza hawa watu. Interdit à ces gens. Je nini wataprophétiser. Pourquoi ils vont prophétiser? Bien-aimé, Moïse akamukemea. Moïse le réprimanda. Parce que c'était une mauvaise attitude. C'était une mauvaise perception. Nous devons changer ce genre d'attitude. Moïse lui dit, mais pourquoi es-tu jaloux d'eux? C'était une attitude de jalousie. Parce que ces gens prophétisent. Alors il n'était pas dans le groupe Moïse où Moïse était. Jalousie naweza kutupeleka mubaya bandugu zangu. La jalousie peut mal nous conduire. Inaweza bloquer réussite yetu. Peut bloquer notre réussite. Tunapaswa kuwa tayari kufurahia baraka ya wengine. Nous devons être disposés à jouir de la bénédiction des Moïse autres. Akasema, acha ba prophétiser. Moïse lui dit, acha ta Israël et otekwe ba prophète. Laisse qu'ils prophétisent et même tous les peuples d'Israël. Pourquoi tu as dit mal? Parce qu'il y a des personnes qui prophétisent. Beaucoup ne sont pas capables de supporter l'élévation des autres. La plupart des fois, on ne supporte pas. Lorsque d'autres sont bénis et on est rempli de jalousie. On est rempli de jalousie. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus dire, tout le monde va vers Jésus. Ils nous ont quittés. Notre corps va prendre fin. Jean dit, qu'il soit élevé et que moi je diminue. Regarde l'attitude qu'il faut. Lorsque l'autre monte, laisse qu'il monte. Dis à ton cœur, laisse qu'il monte. Lorsque l'autre paye son véhicule, l'autre reçoit le mariage, toi pas encore. Tu viens ici et tu rends gloire au Seigneur. Ne rends pas gloire, mais... J'ai entendu les informations ce matin. On a porté la dot auprès de, chez une sœur. D'autres copines commencèrent à lui envoyer des messages après de menaces. Quelques jours, Alisha bali mukidnappé. Et on l'a kidnappé après quelques jours de dollars. On demande à sa famille 10 000 dollars. La jalousie de ses amis. Ils n'ont pas supporté que leur ami se marie. Nous détruisons le pays dans la jalousie. Notre jalousie bloque notre épanouissement. Dieu va nous checker. Tout comme au niveau gani. À quel niveau nous sommes? Dieu voudra que tu loues pour la bénédiction des autres avant qu'il te donne la tienne. Anasema furahini na wenye kufurahi. Quand tu vas apprendre d'être content à cause des bénédictions des autres, là tu es en train de dire ma part arrive. Lorsque tu as du chagrin, lorsque d'autres sont bénis, là tu es en train de dire que ma part reste là. Nous devons demander à Dieu de nous aider à vaincre la jalousie. Oui, tu n'as pas encore, mais l'autre a. Tu es enfant de Dieu. Furai. Sois content. Furai. Sois joyeux. Furai bien-aimé. Sois joyeux. Furai bien-aimé. Réjouis-toi. Où est cette mentalité de s'élever les uns les autres? Lorsqu'il y a l'un de nous qui chante bien, tu dis gloire à Dieu, c'est l'un de nous. C'est malheureux de voir que nous nous critiquons mutuellement. J'étais étonné d'entendre qu'une maman qui prie ici critique le serviteur de l'église là où elle vit. Cette maman doit se repentir, elle s'est maudite. Toi, tu critiques tout ce qui passe à tes yeux. Quand tu ne sais pas être contente, jouir de ce qu'il y a, tu t'es maudit. Parle à ton cœur. Dis, mon cœur, à partir d'aujourd'hui, tu te réjouiras lorsque d'autres sont élevés. Tu te réjouiras de la bénédiction des autres. Lèvons-nous pour la prière.